mwana huyu amemi kindoki na libota na mwana huyu amemi coronavirus kamie yamba nani. Attention Elena, la pandémie mortelle. Ça fait peur, mon qu'il est comme il déstabilisé. Kilo ya sola bibembe komiko tambuza mon pépé au ralenti. Atmosphère ya monde komi pollué. La virus massacreur ya baram COVID-19. Coronavirus. Soleil iso mon ama kambonyo soyo. Mais ce qui est poussé n'y pona secours, au cause à la carcine n'zambé, ma camoyesco zotalango de la musica. Christus a la disso surface avant d'être venu na yo. Oui, obi qui s'abisso na pandémie, oui, oui. Cette fois-ci, au cause à la jamais crucifié, il a topé Hérode de jamais, va viva, oui, obi sautos au vivre, génération, oui, oui. Merci. Il n'y a que la terre comme planète habitable. Kone kotina Congo RDC, zombi matela no kifuidye. Kone kotina mboka ye, troso kola maboko tulton la savon pe desinfectant. Kone traverse Europa, Amerika, mpe yazi, zombi matela no kifuidye mama mbadi ya ye. Kone kotina mboka ye. Kosala na kuzito na papier mouchoir usage unique. Corona ikoti capital to bate na ba province. To evite mota lobo kompeto sola. Ma distance à 2 mètres. Corona ma wate. Le regret to zala momo ya méfiance fait prudence. To suffie na ba mesure préventive ya hygiène. Manque liberté komi tonga oyo mututu. Et Seigneur Yazwa, pour la guérison, naïe, pour un ananda koye, confinement. Bon, moi, kofuta izanango, kasi kisi ya kosomane nanu bazuite. La maladie, yui penzi bisoye, na mission que estangista biso, la cimetière. Erreur ya pandémie yona monate. Ah, et quoi ici ba économie ya mboka bepoué. Et pe kisti si ba église, ba université, pe ba école. Et imposé état d'urgence. Et comme yon même abatouli sousouna à quarantaine. Mbaz espéré guérison. Nzambe sunga banana yo. Na mon pepe ya bokounou yoye. Saint-Jean, Satininga, Papa, Madame, Oyuriko, Sirakam. Mon oncle et Zangi, Malobami, se répondre, yéna, balarme. Abengi, Donald Trump, Isoné, Péa, Kounyo, Tumanga. Quadra, Makam, Oyuriko, Sirakam. Tommy, Batila, yé, yé, yé, je vous en supplie. Tommy, Lengila, yé, yé, yé, la corona, virus. Zemonanga ya lelo yezangi sakso Mko kuruna eme mima nudi bango Yango na komi umime pararire uriruru Kuruna ikotina kongo RDC Tomi vatela no kite mfidi Kuruna ikotina mboka ye Toso kola maboko tout son la savon pe désinfecte. Corona y traversé Europe, Amérique, en pays Asie. Comme il batte la no qui fit di maman badiaye. Corona kotina mboka yeye. Costa la na kutuna papier moussa usage unique. Corona y koti capital ko batte la ba province. Koye vite mbota lobo kompeto sola. À distance à 2 mètres, Corona Mawate.